Chapitre 7. Les compagnons de la Sainte Vème. Le lendemain, le chevalier Darsac fut appelé au commissariat de police où on le pria de contresigner la déclaration de M. et Mme Corbier et de donner, s'il lui était possible, des renseignements complémentaires. Des gardiens de la paix avaient fait une perquisition dans la mystérieuse maison de la rue d'Oran. Deux des agresseurs du chevalier n'étaient point morts, mais ils avaient refusé de fournir le moindre renseignement sur les mobiles de leurs actes et sur leur personnalité. On devinait que ces hommes étaient liés par un secret terrible dont la révélation eût mis leur vie en danger. Quant au cadavre, trouvé derrière le mur élevé par M. Corbier, on avait pu l'identifier. Le mystère de la Sainte Vème restait impénétrable. « Je nage dans une mer, dans un océan d'énigmes, » se dit le chevalier Darsac. « Il faut que j'en sorte. Cette situation m'énerve, elle ne peut durer plus longtemps. Et tout d'abord, je dois savoir qui était ce comte de Beaulieu qui avait l'audace de me ressembler si étonnamment et de qui je suis fatigué de tenir la place aussi inutilement. Je ne serais pas fâché de rentrer dans ma peau à la fin. » Il comptait questionner M. Messager, mais celui-ci ne reparut pas. Le nerveux Gascon monta en auto et se fit conduire à l'hôtel du boulevard Saint-Germain, où habitaient naguère le comte de Beaulieu. Comme la première fois, les laquais s'inclinèrent devant lui. Il pénétra dans un boudoir. Il se retourna vers le valet qui l'avait accompagné et lui demanda à brûle-pourpoint « Il y a longtemps que le comte de Beaulieu est mort ?» Le domestique le regarda interloqué, les yeux écarquillés. « C'est ça, » pensa Darsac, « ils me prennent à nouveau pour leur maître. Mais d'où vient-il qu'il ne s'étonne pas de sa résurrection ?» Et il reprit à haute voix, « Bref, dites-moi, quand a eu lieu mon enterrement ?» Le valet faillit tomber à la renverse. Ne sachant si le chevalier plaisantait ou était devenu fou, il n'osait répondre. Darsac eut beau l'interroger, il ne put rien en tirer. Furieux, il le congédia. « Comment savoir ?» se demandait-il. Il s'assit en réfléchissant au parti à prendre. Quelques instants après, un valet vint lui dire que son intendant sollicitait un entretien. « Faites-le venir, » dit Darsac. L'intendant, homme obséquieux, aux yeux sournois, parut. « Il pleuvra ce soir, monsieur le comte. » « Oui, je sais, » répliqua Darsac d'un ton tranchant. « Continuez. »« Ce que j'ai à dire à monsieur le comte est très important. »« Bon, je vous écoute. »« Il est très heureux que monsieur le comte soit revenu. Nous l'attendions depuis 15 jours. »« Ah ça, vous ne croyez donc pas à ma mort, vous ?»« Il est de fait, » répondit l'intendant sans bien comprendre, « que l'absence de monsieur le comte nous causait des craintes. » Des événements graves se préparent. Plusieurs compagnons sont venus. Ah ! Monsieur le baron d'Avers, monsieur le duc de la Tour, monsieur le vicomte de Lignan. Les compagnons vont se réunir, la haute cour va tenir ses assises. La présence de monsieur le comte est indispensable, m'a dit monsieur le duc de la Tour. Et c'est tout ? Demanda Darsac. L'intendant se rapprocha mystérieusement du chevalier et lui dit à voix basse « Non, il y a autre chose encore. Votre prisonnier pousse des cris effrayants. Il demande à vous voir. Je crains que ses appels ne soient entendus. »« Mon prisonnier ?» dit Darsac. « Dame, oui, votre dernier prisonnier, le vrai comte de Beaulieu. » Darsac réprima un mouvement de surprise. Que signifiaient ces paroles énigmatiques ? Le vrai comte de Beaulieu, un prisonnier ? Voulant éclaircir ce mystère, il reprit « Et vous dites qu'il veut me voir ?»« Oui, monsieur le comte. »« Eh bien, conduisez-moi à lui. »« Si monsieur le comte le permet, je vais chercher une lanterne sourde. »« Faites vite. » Quelques instants après, l'intendant vint dire au chevalier que tout était prêt. « Passez devant moi, je vous suis, » dit Darsac. L'intendant descendit dans les caves, alluma la lanterne sourde, puis il s'engagea dans les couloirs humides et ténébreux. Enfin, il s'arrêta devant une lourde porte bardée de fer et l'ouvrit. « Monsieur le comte désire rester seul avec le prisonnier » demanda-t-il. « Oui, répondit Darsac, laissez-moi. » L'intendant se retira d'un pas silencieux. Le chevalier s'empara de la lanterne sourde et pénétra dans une sorte de cachot étroit et humide. Devant lui, il aperçut un homme dont les bras et les jambes étaient attachés au mur par de lourdes chaînes. Le chevalier ne pouvait en croire ses yeux. Quoi, au XXe siècle, dans un hôtel du boulevard Saint-Germain, on emprisonnait des êtres humains comme au Moyen-Âge ? À sa vue, l'inconnu tente de se redresser et, dardant sur lui un regard chargé de haine et de menaces, il s'écria, avec cet inimitable accent gascon qui étonna d'autant plus Darsac que la voix de l'étranger ressemblait à la sienne, « Vous voilà donc, bandit, lâche imposteur !»« À qui croyez-vous donc parler ?» demanda le chevalier. « Mordius, à qui serait-ce » expliqua le prisonnier. « Si ce n'est au vil aventurier qui m'a trahi après s'être dit mon ami, au félon qui m'a emprisonné pour prendre ma place, pour me voler mes titres. » « Mais qui donc êtes-vous ? Qui je suis ? Vous osez demander au véritable comte de Beaulieu qui il est ?»« De grâce, monsieur, calmez-vous, » dit le chevalier d'une voix douce. « Vous vous méprenez à mon égard. Il est de fait que je ressemble étonnamment au propriétaire de cet hôtel, mais je suis, en réalité, le chevalier Gaston Terrail de Bayard d'Assac, comte de Savignac. »« Vous mentez !» Sous l'insulte, le chevalier se cabra. Une telle flamme de franchise et d'indignation passa dans ses yeux que le prisonnier en fut frappé. Ce fut une illumination soudaine. « Serait-ce possible ? » balbutia le malheureux. « C'est ainsi, je vous en donne ma parole de chevalier. Si je suis venu jusqu'à vous, c'est à cette invraisemblable et cependant réelle ressemblance. » « Je ne demande, monsieur, qu'à vous être utile et à vous secourir. Mais dites-moi, je vous en prie, par quelle étrange fatalité vous êtes séquestré ici ?» À mesure que Darsac parlait, la confiance renaissait dans l'âme du prisonnier. « Après tout, dit-il enfin, il n'y a rien d'invraisemblable à ce que vous ressembliez à ce bandit, puisque lui-même a pris ma ressemblance. Mes paroles vous étonnent, je le vois. » Mais vous avez devant vous un homme méconnaissable. Ma barbe et mes cheveux ont poussé dans ce cachot. J'étais, il y a quelques mois, ce qu'est aujourd'hui l'imposteur qui s'est, en quelque sorte, façonné, créé à mon image. Voici d'ailleurs, en quelques mots, l'histoire de ce drame mystérieux. Je vous écoute, monsieur, dit le chevalier. Je vous l'ai dit, je suis le comte Louis de Beaulieu. Une étrange et terrible fatalité s'appesantit sur ma famille quand j'étais bien jeune. Mon père mourut d'une maladie mystérieuse en pleine force de l'âge. Quant à moi, je fus enlevé alors que j'avais à peine 4 ans. Mon père adoptif me révéla à sa mort le secret de mon origine. Je mis tout en œuvre pour reprendre mes droits et mes titres. J'avais un ami, Marcel Leguet, qui promit de me seconder. J'ignorais qu'il fût un aventurier sans scrupules. Il me dit être membre d'une puissante association secrète. Il fit agir des influences et il allait triompher. C'est alors que l'idée de se substituer à moi germa dans son esprit. Je devinais ses projets, je menaçais de le démasquer. Il m'attira dans un guet-apens et l'on m'amena dans ce cachot où j'ai vécu depuis ce jour. « C'est horrible et c'est infâme !» s'écria le chevalier. « Mais vos mauvais jours sont passés. Dans une heure, comte de Beaulieu, vous serez délivré et je vous prierai d'accepter, chez moi, l'hospitalité que je vous réserve en attendant que vous ayez revendiqué vos droits. Mais laissez-moi agir avec prudence et circonspection. » Ne voulant pas éveiller les soupçons, Darsac remonta et fit appeler l'intendant. « La présence du prisonnier ici est un péril. » À la nuit tombante, je l'enlèverai et, sous la menace du revolver, je le conduirai dans un endroit plus sûr. Tout se passa comme l'avait prévu le chevalier. Le soir même, le comte de Beaulieu était installé dans l'hôtel du boulevard Suchet. « Maintenant, lui dit Darsac, il est indispensable de démasquer votre imposteur. Laissez-moi agir. je veux le prendre dans son propre hôtel comme dans une souricière. En attendant, soignez-vous, monsieur le comte, et reprenez des forces, car vous en aurez besoin dans l'avenir. » Et le lendemain, le chevalier retourna à l'hôtel du boulevard Saint-Germain. Rien ne lui répugnait plus que le rôle d'espion, mais comment lutter contre des ennemis invisibles qui frappent dans l'ombre sans être réduit soi-même à employer un jour une de leurs armes? Darsac était résolu à attaquer loyalement dès qu'un de ses adversaires inconnus se serait dévoilé. Mais avant tout, il importait de surprendre l'ennemi aux aguets. Darsac s'était installé dans un hôtel du boulevard Saint-Germain. Là, au moins, il était certain de n'être pas empoisonné. Il comptait voir arriver d'un jour à l'autre le faux comte de Beaulieu. Mais celui-ci ne parut pas. Où était-il? Qu'était-il devenu? Darsac acquit bientôt la conviction que l'intendant de l'hôtel était un complice, ou tout au moins un auxiliaire de l'imposteur que le comte de Beaulieu avait dit s'appeler Marcel de Guay. Il fallait que celui-ci ressemblât étrangement au chevalier pour que ce serviteur ne s'aperçût point de la substitution. Deux jours après son installation, on annonça à Darsac le vicomte de Lignan et le baron de Bercy. « Faites entrer, dit le chevalier. » Deux gentilshommes du meilleur monde firent leur apparition en criant « Ce cher comte, enfin vous voilà, il était temps. »« Et pourquoi donc ? » demanda le chevalier. « Il pleuvra ce soir. » Darsac eut bien voulu se fâcher. Cette phrase insipide avait le don de l'énerver au plus haut point. Il parvint cependant à se maîtriser et se borna à répondre « Ah ah ! Nous viendrons vous prendre ce soir, si vous le voulez bien. » Le chevalier ne demandait pas mieux. Aussi remercia-t-il ses amis de leur délicate attention. L'entretien dura quelque temps encore. On parla course, théâtre, soirée, etc. Puis le vicomte de Lignan et le baron de Bercy se retirèrent. Le soir, à 9 heures, les jeunes gens vinrent chercher le chevalier et tous trois partirent en automobile. Darsac, selon son habitude, s'était armé de 2 revolvers, d'un poignard et de sa canne à épée. Après 15 minutes de course, l'auto s'arrêta devant un hôtel vraiment princier. Des laquais en livrée firent traverser aux visiteurs des salons somptueux. Puis les 3 hommes s'arrêtèrent dans un boudoir. Les laquais se retirèrent silencieusement. De Lignan mit un doigt sur sa bouche et fit signe à ses compagnons de le suivre. Ils pénétrèrent alors dans de nouvelles salles et s'arrêtèrent devant une porte. De Lignan frappa 6 fois d'une façon spéciale. La porte s'ouvrit. « Qui est là ? » demanda une voix. « 3 compagnons du grand maître. »« D'où viennent-ils ? » « Du sud-sud-est. »« Quel temps fait-il ? » »« Il pleut et pour nous c'est l'orage. » »« Bien, entrez. » Les 3 arrivants pénétrèrent dans une espèce d'antichambre où 20 d'hommes armés jusqu'aux dents étaient postés comme des gardiens. Au fond de la pièce s'ouvrait un passage secret. Sous la conduite d'un des hommes armés portant une lumière, Darsac et ses compagnons descendirent un escalier ténébreux, traversèrent plusieurs couloirs et furent introduits dans une vaste salle souterraine éclairée à l'électricité et qui avait l'aspect d'un prétoire. Une assemblée nombreuse y avait pris place. « C'est le tribunal de la Sainte-Vème, » pensa Darsac. « Tout va bien. Je vais enfin pouvoir contempler mes ennemis à l'aise. » Et il s'assit à l'endroit que lui indiqua le vicomte de Lignan. Pendant 1 quart d'heure environ, de nouveaux personnages firent leur entrée. Tous semblaient appartenir au meilleur monde. Enfin, une sonnette retentit et une voix annonça « Le grand maître !» Darsac vit s'avancer un homme d'une beauté et d'une prestance vraiment royale, à la tête hautaine, rayonnante d'intelligence et de noblesse. « Le prince d'Armor, » pensa Darsac, « il n'a pas l'air d'un bandit, celui-là. Mordius, voilà une tête de prince qui me plaît. » Le grand maître s'était assis à la place d'honneur. Il prit la parole d'une voix claire, harmonieuse mais autoritaire, qui décelait l'habitude du commandement. « Messieurs, dit-il, nous allons statuer sur un crime ancien qui échappe aux lois humaines et qui, en raison des grands noms portés par les victimes et les assassins, exige un arrêt secret. Notre grand assesseur va vous exposer les faits contenus dans l'acte d'accusation et vérifiés par notre haute cour. Qu'on introduise les accusés. » Quatre hommes armés apparurent, entourant deux personnages dont les mains étaient liées et que notre Gascon reconnut aussitôt. « Sans Dieu, se dit-il, c'est ce cher monsieur messager et ce brave oncle, l'homme quasi muet que j'ai vu près de madame ma mère, la comtesse de Beaulieu. Quel crime ont-ils commis ?»« Introduisez l'épouse de la victime, dit ensuite le grand maître. » La comtesse de Beaulieu apparut alors, soutenue par deux hommes. Elle prit place dans un fauteuil. Puis le prince d'Armor donna l'ordre au grand assesseur de lire l'acte d'accusation. « Voici, dit le lecteur, les faits résumés. Le 24 juin 1887, le comte Georges de Beaulieu mourut, empoisonné par une main inconnue dans son château. Le crime resta ignoré et impuni. Le poison employé par les meurtriers tuait lentement, affaiblissant peu à peu l'organisme de la victime, le conduisant sûrement à la tombe. Cette constatation résulte de l'aveu même du complice des assassins. Peu après la mort du comte de Beaulieu, son fils unique, Louis de Beaulieu, alors âgé de 4 ans, tomba gravement malade. Le même poison employé pour tuer le père commençait son œuvre sur l'enfant. Ce fut alors qu'un fidèle serviteur du feu comte, Jules Bréat, surprit par hasard une conversation secrète des meurtriers et de leurs complices. Il acquit ainsi la certitude que le comte de Beaulieu avait été assassiné et que son unique héritier était menacé. Il eut d'abord l'intention de les dénoncer, mais les assassins occupaient une situation si élevée qu'il craignait de ne point posséder de preuves suffisantes pour les mettre hors d'état de nuire. Il prit une autre décision. Une nuit, il enleva le jeune comte Louis de Beaulieu et le confia à son frère, Paul Bréat, habitant Carmaux, dans le Tarn, en lui recommandant de garder le secret le plus absolu. Il rentra au château. Le lendemain, il disparut sans que l'on sût s'il avait été tué ou s'il avait fui. L'enfant grandit, ignorant son origine. Paul Bréat, fidèle à sa promesse, s'était tu. Ce ne fut qu'au moment de sa mort que cet homme révéla au jeune comte le secret de sa naissance. À partir de ce moment, Louis de Beaulieu tenta de reprendre ses droits et ses titres. Il se présenta à l'hôtel qu'occupait sa mère, la comtesse de Beaulieu, née baronne de Gramat, qui pleurait la mort de son époux et la disparition de son fils. Jules Bréat, craignant que cette mère ne s'opposât à l'enlèvement de l'enfant et ne mit en doute les révélations qu'il eût pu lui faire, ne lui avait pas fait part de son projet. Vous comprendrez la raison de ce silence lorsque vous connaîtrez le nom des assassins. Louis de Beaulieu fut reçu par un de ses oncles, le baron de Gramat, qui l'accusa d'imposture et le fit chasser par ses valets. Mais le jeune homme ne désespéra pas. À plusieurs reprises, il se présenta à l'hôtel de sa mère. Ce fut en vain. Il s'adressa à la sûreté, mais ses prétentions ne furent point prises en considération. Enfin, il fit appel à la haute cour vémique. Nous fîmes des recherches. Nous parvînmes à découvrir le complice des assassins, le majordome Bastien Génis, et à lui arracher l'aveu de son crime. Il déclara avoir été soudoyé par Jérôme et Victor de Gramat pour faire périr, par le poison, le comte Georges de Beaulieu et son fils unique Louis. Ce double crime accompli, les meurtriers espéraient ainsi devenir, durant la vie de leur sœur, les gérants de l'immense fortune du comte de Beaulieu et, à sa mort, les héritiers. Vous comprendrez dès lors la raison du silence de Jules Bréat. Ce serviteur pouvait-il porter une accusation contre les barons de Gramat devant leur sœur? La comtesse de Beaulieu, qui avait dans ses frères une confiance sans bornes, aurait-elle ajouté foi à la déclaration d'un valet? À ce moment, on entendit des gémissements étouffés et plusieurs hommes se précipitèrent vers la comtesse de Beaulieu qui s'évanouissait. Quand elle eut repris ses sens, l'assesseur continua sa lecture. Notre haute cour parvint peu à peu à réunir toutes les pièces nécessaires pour établir les droits légitimes du jeune comte Louis de Beaulieu. Les coupables, avertis du péril et craignant de perdre le fruit de leur crime par la réhabilitation du dernier comte de Beaulieu, usèrent d'un subterfuge aussi habile qu'original. Ils suscitèrent des imposteurs, ils firent surgir de faux comtes de Beaulieu. Ils cherchèrent adroitement des hommes dont la physionomie ressemblait à celle du vrai comte et ils les achetèrent, exigeant d'eux qu'ils portassent le nom et les titres du malheureux jeune homme qui avait échappé à la mort qu'ils lui réservaient. « Mordius, murmura Darsac, les misérables, et dire que j'ai eu la honte d'être, sans le savoir, un de leurs instruments. Vous devinez le résultat de leur machination. Lorsque le véritable comte paraîtrait, on allait s'écrier « Encore un imposteur, c'est le troisième, c'est le cinquième, etc. » Les misérables allèrent plus loin. Ils présentèrent des imposteurs, les uns après les autres, à la malheureuse comtesse de Beaulieu, qui, chaque fois, espérait retrouver son fils. Imaginez-vous la torture de cette mère trompée, espérant sans cesse et sans cesse déçue. Le but des barons de Gramat transparaissait ici encore. Lorsque son enfant véritable lui serait présenté, la comtesse le repousserait avec mépris en lui lançant à la face le mot terrible « imposteur ». Mais, continua le grand assesseur en élevant la voix, la haute cour védique veillait et déjouait les projets obscurs des assassins. Au fur et à mesure que ceux-ci nouaient l'intrigue, la main puissante des francs juges la dénouait. Dès que les barons de Gramat faisaient surgir un nouvel imposteur, la Sainte-Vème le supprimait. Elle faisait mieux. Afin que les meurtriers ne pussent exhumer plus tard un cadavre et tenter de faire reconnaître en lui la dépouille du comte Louis de Beaulieu, les corps des imposteurs étaient secrètement murés dans des lieux ignorés. Capé des dios, voilà pourquoi on eut recours au service de ce malheureux corbier, se dit Darsac. Le grand assesseur continuait. Quatre imposteurs sont morts sous le poignard de la Sainte-Vème. Il n'en restait qu'un, mais celui-là, jusqu'à ce jour, avait échappé presque miraculeusement à notre vengeance. Grâce au don qu'il possédait, de se métamorphoser et de glisser entre les mailles de notre filet avec une habileté si remarquable que, pour cette raison, on l'avait surnommé le rival d'Arsène Lupin, il nous a échappé jusqu'à ce jour. Depuis 6 mois déjà, il apparaissait simultanément sous les traits du comte de Beaulieu, du marquis de Mirande, de l'ingénieur Paré, de l'inspecteur de la sûreté Quinault, du juge Clayette, etc. Enfin, il y a quelque temps, le comte de Beaulieu nous signala qu'il venait de s'installer dans un hôtel du boulevard Suchet. « Hein ? Mais c'est de moi qu'on parle ?» se dit le Gascon. Et Mordius, par les cornes du diable, il pousse l'audace jusqu'à m'appeler le rival d'Arsène Lupin. Et pourquoi pas Zigomar ? Par 3 fois, continuait l'assesseur, il échappa à notre vengeance. Brusquement, nous perdîmes sa piste et nous supposions qu'il avait fui à l'étranger, lorsque 3 des nôtres le retrouvèrent à Orléans sous le déguisement d'un propriétaire connu dans la contrée. Celui que nous appelions le rival d'Arsène Lupin ne travaillait pas seulement pour le compte des barons de Gramat, mais entre-temps aussi pour le sien. C'était un gentleman cambrioleur. « Mais, se dit Darsac, cette fois, ce n'est plus de moi qu'il s'agit, mais de mon sosie, du faux comte de Beaulieu du boulevard Saint-Germain, de ce misérable qui m'avait dénoncé pour se débarrasser d'un compétiteur gênant. Ah, sans Dieu ! Le bandit, en me ressemblant, me faisait passer pour un cambrioleur. Mais qu'entends-je ? » L'assesseur continuait. Les 3 compagnons de la Sainte-Vème, ayant reconnu l'homme que leur avait signalé le comte de Beaulieu, le filèrent habilement et pénétrèrent dans la maison qu'il occupait à Orléans. Se voyant menacé, cet homme proté usa d'un subterfuge. Il déclara être le vrai comte de Beaulieu, celui qui avait dénoncé son dernier imposteur du boulevard Suchet. Nos compagnons nous téléphonèrent ce matin. Nous fîmes 2 visites dans l'hôtel du boulevard Suchet. L'imposteur avait disparu. D'autre part, deux des nôtres se rendirent à l'hôtel du boulevard Saint-Germain et y trouvèrent le comte Louis de Beaulieu. Le doute n'était plus possible. Nous donnâmes aussitôt l'ordre d'exécuter l'arrêt de la Sainte-Vème. Le rival d'Arsène Lupin a été poignardé ce matin à 11 h et son cadavre amené ici dans une malle. Le dernier imposteur est mort. La justice de la Sainte-Vème peut suivre désormais son cours normal. Il faudra ajouter l'acte de ce décès au dossier, remarqua le grand maître. Il pourrait nous être utile pour justifier de l'identité du comte de Beaulieu. Il faudra indiquer le véritable nom de l'imposteur. Est-on parvenu à le découvrir ? Oui, bien que le nom soit compliqué, le voici. C'est le chevalier Gaston Terrail de Bayard d'Arsac, comte de... Il n'acheva pas. Une tempête de jurons venait de l'interrompre et le chevalier d'Arsac, mu comme par un ressort, s'était redressé en s'écriant « Sandius, Mordius, Capedius, par les cornes du diable ! Ah ça, est-ce bien moi qu'on a l'audace de traiter de la sorte ? C'est la première fois de ma vie que j'entends insulter le dernier descendant du grand Bayard !» Toute l'assemblée tournait vers le Gascon des yeux étonnés. Le grand maître éleva la voix. « Comte de Beaulieu, expliquez-vous. Nous ne comprenons pas ce que vous voulez dire. »« Mordius, monsieur, vous ne comprenez donc pas que je vous défends d'insulter le nom du chevalier Gaston Terrail de Bayard d'Arsac, comte de Savignac. »« Mais, comte, pourquoi donc ?»« Pourquoi, monsieur ? Mais tout simplement parce que le chevalier Gaston Terrail de Bayard d'Arsac de Savignac, c'est moi. » Il y eut un mouvement de stupeur générale. Et brusquement, l'assemblée crut comprendre que, par suite d'une terrible méprise, on avait épargné la vie de l'imposteur et tué le véritable comte de Beaulieu. Au silence de la stupeur succéda un formidable cri de vengeance. Le grand maître s'était levé. Il étendit la main en faisant un signe mystérieux. Ce signe, c'était un arrêt de mort. En un clin d'œil, 20, 30, 50 poignards brillèrent, s'avancèrent, menacèrent le chevalier d'Arsac. Il voulut parler, la rumeur couvrit sa voix. Il comprit qu'il allait être frappé sans pouvoir s'expliquer, et d'un geste décidé, il fit sortir son épée de sa canne et brandit un revolver. Il vit un tourbillon humain bondir vers lui, et sans trembler, s'acculant à une muraille, il attendit de pied ferme. Mais à ce moment, une sonnerie brusque retentit, la sonnerie du grand maître. Le silence se rétablit comme par enchantement. « Un instant, messieurs, » dit le prince d'Armor d'une voix calme et imposante. « Madame la comtesse de Beaulieu désire s'assurer que l'étranger que nous avons devant nous n'est pas son fils. » D'Arsac vit le cercle qui le menaçait s'élargir. « Approchez-vous, monsieur, » lui dit le grand maître. « Je n'approcherai, monsieur, que lorsque vous m'aurez entendu. J'ai à vous révéler un secret à côté duquel le vôtre n'a pas d'importance. Je vous prouverai que, si je ne suis pas le comte de Beaulieu, l'homme que vous protégiez l'était bien moins que moi. Enfin, je vous montrerai que, seul et dans l'espace de 15 jours, j'ai fait plus que votre association tout entière en 6 mois. » Et je vous en donnerai la preuve en amenant devant vous le véritable comte Louis de Beaulieu vivant. » Il y eut un moment de silence solennel que le grand maître rompit pour dire à D'Arsac « Parlez, monsieur, nous vous écoutons. » Le chevalier fit alors, en termes clairs et précis, le récit de ses aventures jusqu'au moment où il avait découvert Louis de Beaulieu dans un cachot et l'avait sauvé. Quand il eut terminé, le prince d'Armor se leva et dit « Monsieur le comte de Savignac, je ne doute pas de la parole d'un gentilhomme et je lis la loyauté dans vos yeux. Ce que vous avez fait est très beau et l'on peut dire que si vous n'êtes pas le véritable comte de Beaulieu, vous étiez digne de l'être. » « Et Mordius, monsieur, c'est un affront que vous me faites. » « Parce qu'il y a eu 6 comtes de Beaulieu et qu'il n'y aura jamais qu'un chevalier d'Arsac. » On a imité cela, on n'égalera jamais celui-ci. » Sur l'ordre du prince d'Armor, 3 compagnons partirent en auto, accompagnant le chevalier d'Arsac qui était allé chercher le comte de Beaulieu. Celui-ci, dépouillé de sa barbe touffue et de ses cheveux en broussailles, était redevenu un fringant cavalier qui ressemblait étrangement au chevalier d'Arsac. L'accent même ne manquait pas. On le présenta à la comtesse de Beaulieu. Celle-ci se pencha vers lui comme elle s'était penchée vers Darsac, lui prit la main gauche et, baissant les yeux, la tint serrée dans les siennes. « C'est bien mon fils » s'écria-t-elle en se redressant rayonnante de joie. « Celui-ci est bien le vrai comte de Beaulieu. Je viens de retrouver au poignet de sa main gauche une tache de naissance dont seule je connaissais l'existence. » « Madame ma mère, dit le jeune comte en attirant vers lui Darsac, permettez-moi de vous présenter un second fils, mon sauveur, mon frère. » En ce moment, on entendit la voix du grand maître disant aux deux assassins « Reconnaissez-vous dans ce jeune homme le comte Louis de Beaulieu ?» Ils restèrent muets. « En ce cas, on se passera de votre témoignage. » Et il étendit la main en faisant un signe mystérieux. 20 poignards s'enfoncèrent jusqu'à la garde dans le corps des deux assassins. L'arrêt de mort de la Sainte-Vème était exécuté.